vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de Vous êtes libre ce soir, donc l'émission de la culture libre sur Radio Béton 93.6. Alors une émission particulière, un petit peu, beaucoup même parce que je vais la faire tout seul, et ça parce qu'on avait fait notre émission avec des invités, et on a eu des problèmes techniques, et cette émission a été très mal enregistrée. Alors c'est passablement de ma faute, donc je tiens à m'excuser auprès de ces invités. Alors ces invités c'était Patrick Dadetti. Alors Patrick Dadetti, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'entendre sur notre émission, parce qu'il était venu présenter son association, Adetti. Alors Adetti, c'est une association d'informatique, d'aide à l'informatique en fait. Pour les personnes qui sont pas à l'aise en informatique ou qui veulent découvrir de nouvelles choses, eh ben ils peuvent venir voir Adetti et on les aidera, on les conseillera. Alors bien sûr, en fait, cette association, au fur et à mesure, elle s'est beaucoup dirigée vers le logiciel libre parce que c'est un moyen d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses qui est très pratique. Il y avait aussi Marc qui était venu représenter Click. Click, c'est une autre association, culture libre et création collective. Alors lui, on a eu moins l'occasion de l'interviewer, donc c'est particulièrement dommage qu'il y ait eu ce problème, mais on essaiera de le réinterviewer à d'autres occasions. Par exemple, ils étaient venus vous parler d'un événement. Cet événement, on y sera et j'essaierai de les interviewer là-bas pour qu'ils puissent récapituler et redonner leur point de vue là-dessus. Donc Marc qui était là pour Click, création, culture libre et création collective. Alors ça c'est une association qui est toute nouvelle contrairement à Adetti, qui vise à promouvoir la culture libre et le mouvement du libre, c'est-à-dire toutes les formes de diffusion et de partage par internet. Alors ça peut être aussi bien du logiciel libre, de la musique libre, des œuvres libres en général, voilà. C'est une association qui n'est pas encore créée, mais qui est en train de réaliser ses statuts et qui organise déjà certains événements. Alors en particulier, ces invités, ils étaient venus pour nous parler d'un événement. Et cet événement, c'est le Samedi du Libre, qui aura lieu le 6 mars 2010. Donc cette année, ça tombe bien. C'est à l'espace Léo Lagrange que ça se passe. Donc l'espace Léo Lagrange, l'adresse exacte, c'est 90... Avenue André Maginot, mais bon, donc à Tournord, vous connaissez aussi peut-être parce que c'est juste là qu'est Radio Béton, notre radio préférée à tous, et voilà. Alors ce Samedi du Libre, on va parler de différentes choses donc, qui ont trait à la culture libre. D'abord, organisé par Adetti, une découverte et une initiation au logiciel libre, et au système d'exploitation libre également. Alors ça, c'est si on est curieux, qu'on veut aller un petit peu plus loin en informatique, et ben c'est l'occasion de venir, de discuter, de voir comment ça marche. Alors avec l'avantage que ça peut ne pas être fait directement sur votre machine à vous, mais que vous pouvez utiliser un poste disponible pour tester sur ce poste et bidouiller, regarder un peu comment ça marche, sans rien modifier sur votre ordinateur, sans risquer de perte de données, etc. Après, si vous souhaitez amener votre ordinateur, soit parce que vous avez un problème et que nous on sera très heureux de voir avec vous ce problème et d'essayer de corriger, de trouver une solution pour vous. Même si c'est pas forcément un logiciel libre, enfin, ça, Adetti est tout à fait dans cette optique-là. Ou alors, ça peut être, vous voulez faire le grand pas, on va dire, installer des logiciels libres ou même un système libre, donc Linux sur votre ordinateur. Et ben là, vous venez et puis nous, on peut aussi se tâcher de vous installer ça sans problème. Ça, c'est la première partie, c'est la partie un peu logicielle, c'est la partie Adetti. On va passer un peu aux autres parties qui sont moins logiciels, voilà, qui sont plus divers, plus variés. En particulier, il y a quelque chose dont on a un petit peu parlé, c'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, ça marche très bien en ce moment, c'est à la mode, et donc on aura la possibilité de découvrir un peu plus pour ceux qui ne l'ont pas fait, voire il y aura une cartographie, une petite cartographie qui sera organisée autour du quartier, donc de Léo Lagrange. Alors ça, je sais pas, il y a quelques volontaires qui seront là, il y a Simon, je connaissez pas, vous l'avez peut-être déjà entendu à notre émission, puisqu'on l'avait invité pour nous parler d'OpenStreetMap. Et donc, ils vont lancer un petit projet et on va pouvoir cartographier les alentours de Léo Lagrange. Peut-être même un petit peu plus loin, parce que Léo Lagrange, il y a déjà une partie qui est faite. Enfin, vous avez peut-être compris que OpenStreetMap, on peut faire beaucoup de choses. On peut regarder où sont les cabines téléphoniques, où sont les arrêts de bus, etc. Donc, il reste toujours de nouvelles choses à ajouter. Et en même temps, donc, il y aura cette partie entre guillemets pratique, où on sortira un peu devant les ordinateurs. Et on va, mais il y aura aussi une conférence qui sera organisée, donc pour expliquer OpenStreetMap. En particulier, il y aura GeoVélo qui sera là. GeoVélo, c'est une association qui propose un site web pour les vélos, pour les itinéraires à vélo exactement, qui permet de dire bah moi j'habite Tours, je voudrais aller à Jean Jaurès à vélo, je voudrais savoir le chemin le plus rapide ou alors le plus sécurisé. Il y a les deux critères qui sont pris en compte et on peut choisir d'avantager un critère par rapport à l'autre très simplement sur leur site. Et donc eux, ils vont nous parler concrètement OpenStreetMap, à quoi ça sert, comment l'utiliser, pourquoi une association comme nous l'utilise plutôt que d'utiliser un Google Map ou je ne sais quoi. Et donc ils nous feront une petite conférence sur ce thème. Il y aura aussi une conférence qui sera faite par mon collègue d'émission de radio qui n'est pas là aujourd'hui, Emmanuel, qui lui est un grand passionné de Wikipédia et de la fondation qui fait Wikipédia qui s'appelle Wikimedia. Cette fondation, elle a plusieurs autres projets que Wikipédia, une dizaine en tout, et lui, il va nous les présenter. Il nous parlera sûrement aussi de comment on fait pour éditer un wiki, pour s'en servir facilement, pourquoi c'est un outil qui est puissant et qui est très collaboratif. Donc il va essayer d'expliquer aux non-initiés comment on peut se servir de cet outil et comment contribuer quelque part au libre. Alors ça c'est pour les conférences, il y en aura peut-être d'autres, mais on n'a pas tout qui est défini encore. Ce que je vais vous proposer, c'est une petite pause musicale, et puis justement après on pourra parler de musique libre. Alors pour la pause musique libre, je vous propose une chanson de l'artiste de J.E.J., au nom difficilement prononçable, alors j'espère que je suis pas trop à côté du nom réel, et le morceau c'est « Danse avec moi » dans l'album « Broken Symphony ». Voilà, c'est parti. Ta musique sonne plutôt juste. Ah, merci. Dis-le-moi si t'as envie que je t'apprenne le nouveau mouvement. Alors, la partie commence. Thank you. Donc retour sur Vous êtes libre ce soir, après ce morceau de JEJ sous licence Creative Commons by NCND, Danse avec moi. Alors à propos de musique, on parlait du samedi du libre qui aura lieu très très prochainement puisque c'est ce samedi le 6 mars et donc il y aura la possibilité de venir, d'écouter de la musique. Donc soit sur des postes équipés de casques, soit directement, enfin, je pense qu'on aura des enceintes et un haut-parleur et qu'on diffusera de la musique libre dans la salle de présentation. Alors on va essayer de passer différents genres de musique, un peu en fait, sûrement que ce sera moi ou il y aura aussi d'autres personnes qui s'en occuperont, mais il y aura moi. On va essayer de faire un peu comme sur l'émission de radio, c'est-à-dire de présenter des groupes différents, surtout des styles différents, il y en aura pour tous les goûts. Et n'hésitez surtout pas à amener vos clés USB pour qu'on puisse vous passer de la musique selon les goûts que vous avez. Voilà. Ou s'il y a des choses qu'on n'a jamais diffusées, que vous souhaitez qu'on diffuse, bah c'est aussi l'occasion de venir nous en parler puisque nous on sera là et on sera prêt à partager de la musique et bien d'autres choses. Alors, puisqu'on est dans la musique, eh ben, continuons avec les arts libres. Il y a aussi le projet de diffuser des films libres. Et oui, ça existe. Alors, il y a Marc de Click qui nous avait parlé de deux types de films. Déjà, des films qui avaient été enregistrés pendant les journées, les rencontres mondiales, voilà, du logiciel libre de l'année dernière, en 2009. Donc, c'est une rencontre où les gens viennent parler du libre, expliquer pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important. Et donc, je pense qu'il y aura des retransmissions de conférences ou d'avis sur le libre. Il y aura aussi des vrais films sous licence libre, c'est-à-dire, par exemple, il y a la Fondation Blender, dont on a parlé dans cette émission, qui a réalisé un certain nombre de courts-métrages sous licence libre. Il y a aussi un film excellent que j'ai vu très récemment, qui s'appelle Sita Sings the Blues, qui est passé sous licence libre. Enfin, il y en a plusieurs comme ça, et on essaiera d'en diffuser un certain nombre, voire même, si les gens sont motivés à rester le soir, et on pourra organiser une diffusion tranquillement le soir. Voilà, parce que je pense que vous avez compris, le but c'est de rester très informel, qu'il y ait des échanges, que les gens puissent discuter, se rencontrer, débattre. Alors, peut-être que pour vous la culture libre ça vous est totalement étranger, justement c'est l'occasion de venir en discuter, de venir comprendre. Comme le disait Emmanuel, la culture libre, si on veut, on peut tout découvrir depuis Internet, mais nous, on trouve que c'est bien plus vivant de participer à cet événement et de la découvrir en ayant du contact avec d'autres personnes plutôt que de rester devant son ordinateur. Je pense que c'est tout à fait dans l'optique, justement, de la culture libre. Voilà. Alors, pour finir, donc, je vous rappelle que c'est une émission un peu bizarroïde, je suis le premier à le reconnaître parce que les invités, il y avait des invités et l'émission a été perdue par ma faute, donc je m'excuse. Et en tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver leur blog. Alors il y a Click qui utilise le blog blog.libre.cc. Vous trouverez sûrement des informations sur ce samedi du libre et Adeti qui est à son site web www.adeti.org et là vous retrouverez aussi sûrement des informations. Sinon vous pouvez aussi également, puisque je suis dans les sites web et ça en fait bien beaucoup, et je vais vous passer celui de l'émission www.velcs.info. Vous y retrouverez les précédentes émissions, ainsi que celle-ci si vous voulez la réécouter en entier. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, j'espère que vous serez là samedi pour qu'on puisse discuter et puis partager sur ce thème de la culture libre. Voilà. Bonne journée, au revoir.